إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة 21 بعد 100، كي لا 121 مسألة بعنوان الصد عن سبيل الله، صدهم عن سبيل الله من آمن به. Qu'ils obstruent le sentier d'Allah, ils font obstacle, ils empêchent les gens d'y parvenir. Pour ceux qui y ont cru. Et ça, de toutes les masa'il, celle-ci est parmi les principales. Leur but, c'est cela, de t'empêcher d'arriver à la vérité. Le but est de t'empêcher de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam. هذا هو النتيجة هذه المسائل منها هذا الصد عن سبيل الله. فقال الشيخ الفوزان في شرح الصد عن سبيل الله هو صرف الناس عن الدخول في دين الله، وهذا عمل الكفار قديما وحديثا من يهود ونصارى ومشركين. Donc il dit le fait d'obstruer le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de détourner les gens, de les empêcher de rentrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce sont les œuvres des kuffars, les actes des kuffars, depuis tous les temps, en toute époque. Vous voyez ? Dans le passé comme dans le présent. Parmi les juifs, les yahoud, wa nasara, wa mushrikin. Ces trois sortes de kuffars se battent et luttent pour empêcher les gens d'arriver à l'islam. Là-dessus, ils sont unis. Hatta anhum tahazzabu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont sectarisés à un moment, lors d'une guerre. Ils sont tous unis pour combattre l'islam ensemble. Famine, manaj al-jahiliyati fi kulli zaman wa makan, as-sadd an sabilillah, wal-firaqu ad-dalla al-an ala ala. والفرق ظل الآن على هذا النهج تحول وتضليل المسلمين وجلبهم إلى نحلهم الباطلة. Donc ça c'est les voix de la gens, ça c'est la voix des gens de la Jahiliya en tout temps, en toute époque et en tout lieu. Ils obstruent le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, aujourd'hui les sectes déviées, égarées, sont sur cette même voie, qu'ils tentent au maximum d'égarer les musulmans et de les attirer vers leur fausse idéologie. وكذلك اليهود والنصارى لا يزالون يحاولون صد المسلمين عن الإسلام ويقولون تعالوا نتحاور فيما بيننا ويقولون بحلة الأديان. Également, c'est le cas des Yahoud, des Nasara, qui ne cessent de tenter d'obstruire le sentier des musulmans vers l'islam. De faire tout pour les sortir de leur religion. Ils leur disent, venez, nous allons discuter entre nous. Ils disent, venez pour une liberté de religion, une liberté de culte, une liberté de croyance. Donc, هذا من الصد عن سبيل الله عز وجل. هل نحن على الشك من صحة ديننا وبطلان دينكم حتى نتحاور معكم؟ لسنا على الشك من ديننا وبطلان ما أنتم عليه. Donc, il dit ça, c'est parmi le fait d'obstruire le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, nous, est-ce que nous, les musulmans, nous sommes sur le doute de la véracité de notre religion et de la fausseté de la vôtre, afin que nous puissions discuter pour savoir qu'est-ce qu'il y a à en tirer? Nous n'avons aucun doute sur notre religion et sur la fausseté de la vôtre. Donc là, le chéri met l'accent sur ce point-là. Que les koufars, c'est à ça qu'ils t'appellent. Quand tu vois des gens de l'islam dire, on va discuter, débat ouvert avec les chrétiens, avec les juifs, et kaza, justement, il est en train de te dire que les juifs, les chrétiens, ils t'appellent à ça. Donc les gens qui rentrent dans ce genre de filet, ce sont des gens qui sont ignorants, qui n'ont pas compris. Et qui veulent ouvrir une porte d'égarement pour les musulmans. On n'a pas à débattre avec eux, si ce n'est pour les appeler à l'islam. Voilà tout jadil, ahl al-kitab, illa al-billati arsen, illa al-ladina zalamu minhum. Donc ne débat pas avec les gens du livre, si ce n'est de la meilleure façon, à part ceux qui ont été injustes parmi eux. Donc Allah Ta'ala, قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. دي أو vous les gens du livre, venez à une parole égale entre nous et vous, que nous n'adorions que Allah, que nous ne prenions pas les uns les autres en tant que Seigneur. Si jamais ils se détournent, dites-leur, alors témoignez que nous sommes du nombre des soumis. Donc si on les appelle à débattre, c'est pour les appeler à l'islam et leur démontrer la fausseté de leur religion, non pas pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à proposer, qu'est-ce qu'on a à proposer, trouver un terrain d'entente. Ça n'existe pas, ça, dans la da'wah, comme des gens veulent le faire. Ces gens-là, le but, c'est que tu apostasies. Comme on dit à Allah, وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَا. Ils aimeraient que vous mécroyez comme ils ont mécru, afin que vous soyez égaux. Comme on dit à Allah, وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. Que beaucoup de gens du livre aimeraient vous renvoyer en arrière, vous faire apostasier de votre religion, après que la vérité leur soit parvenue. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. Et que les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de vous tant que vous ne suivrez pas leur religion. Combien de versets sont cités sur le sujet? Et malgré cela, on voit encore des gens s'apparenter à la da'wah et à l'appel de l'islam, soi-disant, et être pris comme image médiatique qui représente les musulmans, et appeler à ce genre le comportement. Raconte le Ta'ala. وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ نِسَتَعُوا. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent apostasier de votre religion s'ils le peuvent. Donc ça que ces gens-là ils veulent. أَصَدَنْ سَبِلِ اللَّهِ يُرِيدُونَ أَنْ يُدْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Leur but, c'est de détruire l'islam. Donc ces gens-là sont nos ennemis. Après, ils sont de différentes catégories. Il y a ceux qui sont passifs et ceux qui sont actifs. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là sont nos ennemis. Et avant même ceux-là, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'ils font, ils le font pour t'empêcher d'adorer ton Seigneur seul, de te soumettre totalement à lui, et d'être parmi ceux qui l'unifient dans l'adoration. ثم قال المسألة الثانية وعشرون بعد المئة موالاة الكفار. Donc la 123e mas'ala, qui est l'alliance et l'amour envers les kuffars. C'est-à-dire que ces gens-là aiment le kuffr. قال مودتهم الكفر أو مودتهم الكفر والكافرين. L'amour qu'ils ont pour la mécréance et pour les mécréants. Et là, cette mas'ala concerne les gens du livre, principalement. Car à la base, ces gens-là s'apparentent à l'imen, se disent étant des croyants. Quand même, ils se prétendent étant des croyants. فقال الشيخ الفوزي في شرح من مسائل الجاهلية أنهم يودون الكفار والكافرين كما ذكر الله تعالى ذلك عن بني إسرائيل أنهم اتخذوا الكفار أولياء. قال تعالى ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. Parmi ces mêmes points de la jahiliya, qu'ils prennent en allié, qu'ils aiment le kufr et les kafirin. Allez, quand on dit kafirin, quand on dit kufar, c'est la même chose. T'en as un, c'est jam taksir, et l'autre c'est un jam muzakkar salim. Comme Allah, dans le sens, il dit à propos des Bani Israël, comme ce qu'il a dit dans le sens, et tu vois beaucoup d'entre eux s'allier à ceux qui ont mécru. وقد حرم الله موالاة الكفار فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم. Et Allah a rendu illicite et interdit l'alliance envers les kuffars. Dans le sens, Allah dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas les yahoud et les nasara en tant qu'alliés, car certains sont alliés les uns aux autres, et celui qui s'allie à eux fait partie d'eux. وبعد هذا يقول والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah ne guide pas les peuples injustes. Donc Allah SWT nous a interdit de faire comme l'ont fait ces gens-là, des Yahoud qui se sont associés aux kuffars c'est-à-dire de leur époque. Enfin, même de leur époque, parce qu'aujourd'hui, ils sont des koufars, le même. Mais de leur époque. Fakala ta'ala, وَلَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى. Donc il dit, le croyant ne prenne pas en allié les mécréants en dehors des croyants. Celui qui fait cela ne fait pas partie d'Allah, c'est-à-dire qu'il n'est en rien, Allah, il n'est en rien de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. À part si vous craignez d'eux un mal. Donc, même les taqiyah, dans des situations extrêmes de kaddaroura, ça c'est autre chose. Et bien, un bien grand nombre de versets sont venus stipuler, sont venus évoquer ce jugement. L'interdiction de s'allier au kuffar. فقال الأمر واضح في هذا وأنه يجب وأنه تجب معادة الكفار والبراءة منه ومن دينهم والولاء والبراء من أعظم الواجبات في الإسلام. Écoutez, la chose elle est claire. Même la chose elle est claire, qu'il est obligatoire de prendre en ennemi les kuffars et de s'innocenter d'eux, se désavouer d'eux et de leur religion. Et que l'alliance et le désaveu sont parmi les plus grandes obligations en islam. Ad-din mabni ala al-wala wal-bara. La religion elle est bâtie sur l'alliance et le désaveu. Et que ça c'est l'alliance la plus ferme de la foi. Que tu aimes ce que Allah aime et tu détestes ce que Allah déteste. Que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah. Et ça c'est parmi les points les plus négligés en cette époque par les musulmans qui font qui sont tombés dans ce bien grand nombre d'erreurs qui leur coûtent leur faiblesse devant leurs ennemis. Ce point-là est un point extrêmement ignoré et fortement négligé. Et surtout, les prédicateurs en France sont très négligents quant à l'enseignement de ce point-là. Et pourquoi? Parce que eux-mêmes, leur alliance, leurs amis sont entachés du fait qu'ils vivent là-bas. C'est parmi les conséquences de l'Ibn Kufar, c'est que tu finis par t'habituer à eux. C'est pour ça que la Ishara, elle a été légiférée. Elle a été légiférée car si vivre avec quelqu'un, tu finis par t'habituer à lui. C'est inévitable. Et vous verrez bien que les prédicateurs qui sont en pays de Kouf n'auront pas cette force et cette haine envers les Koufars comme ils auront ceux qui sont à l'extérieur, qui vivent avec leurs frères. Et je ne parle pas d'une fausse alliance des aveux comme les font les soi-disant Daesh ou les Qaïda, ce genre de choses, qui appellent à une haine yani démesurée. Car on dirait, on ne sait pas qui déteste le plus, c'est les musulmans ou les Koufars. Nous, on parle d'une haine légiférée. Donc, être tous les jours dans ton appartement et ton voisin, c'est un kafir, tu le vois tous les jours, il te sourit, il est poli avec toi. Comment vas-tu avoir cette haine envers lui au bout d'un moment? Cette haine, elle va réduire, elle va descendre, c'est obligatoire. Tu vas au travail, tu vas faire ta vie, tu passes même ces gens-là, tu les vois tous les jours, tu vas en bas à la boulangerie, tu vas faire tes courses, t'es chez eux, tu vas faire à eux, ils te sourient, ils te donnent des aides, ils te donnent plein de choses qui t'aident à pouvoir accomplir ta dunya. Quelle haine légiférée tu vas avoir pour eux à la fin, au final? Tu auras qu'une haine, elle sera minime. Elle sera pas comme celle que Allah, pendant là, aura voulu de toi. Il y en a même qui sont allés partir défendre les koufars contre leurs frères. Regardez où ça mène. Et ça, cette nokta, aham moi, al julus fi awsatihim. Le fait de vivre en leur sein. Donc là, on appelle à chaque muslim, et principalement ceux qui s'apparente à la darwa en France qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si jamais ils ne sont pas en mesure d'appeler à ce point-là, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de faire darwa au sein des koufars, donc qu'ils partent. Qu'ils partent. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas les châtier pour ça. Mais si tu restes, par contre, en France et que tu ne fais pas ton travail comme il se doit, là, tu risques d'être sous la menace d'un châtiment. De ne pas avoir, d'être resté chez les koufars tout en étant incapable d'accomplir ce pourquoi tu es resté. Tu fais darwa, la darwa, tu l'as fait bien, tu l'as fait correctement. Et tu ne peux pas la faire. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu vas ailleurs. Et de là où tu es, tu fais da'wa. Mathalan. Si jamais tu es quelqu'un qui a du khayr, qui a étudié, qui a certaines ma'loumat, tamam, qui a un kalam qui est accepté chez les gens, tu t'en vas. Et où que tu sois, si Allah veut qu'il y ait un kaboul dans ta da'wa, il y aura un kaboul. La baraka, elle est dans Allah. C'est pas lié à la présence. Même si celui qui est présent a forcément plus d'impact, c'est sûr. Combien de ulama on ne les a jamais vus de nos vies? Et leur darwa jusqu'à notre pays, dans nos maisons, elle est parvenue. Des ulema, des salafs, parmi les sahabes, jusqu'à aujourd'hui, on les évoque, on connaît leur nom, on connaît leur vie, en résumé, leur biographie. Est-ce qu'on les a même pas connus? Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala a mis une baraka dans leur vie et dans le rappel de ces gens-là pour leur stikama, leur droiture. Donc ne pas croire que le fait de rester là, forcément, apportera de meilleurs résultats. Il se peut que, disbiyan, certaines personnes, alhamdoulilah, acceptent et sont guidées, mais toi, en premier lieu, tu es au bord de l'égarement, sans même t'en rendre compte. Et dans le Coran, Allah ne t'a jamais appelé, comme on le dit souvent, à te mettre au bord de l'égarement pour appeler les gens. Le verset, on le dit, on le répète. Ya ayyuhallazina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vous, c'est-à-dire vos personnes, ainsi que vos familles d'un feu ardent. Vous et vos personnes, il n'a pas dit, sauf les autres. Allah subhanahu nous a ordonné de faire da'wa, chacun en mesure de ses capacités. Mais la da'wa, c'est une chose qui est large, que tu n'es pas obligé d'être sur place pour la faire. Tu peux la faire, non. Aujourd'hui, on a Internet, on a plein de wasa'il, on a plein de moyens de pouvoir faire parvenir les marloumates à l'autre bout du monde, en l'espace de quelques secondes. Celui qui veut prendre le khay, il va le prendre. Que tu sois là ou pas là. Ah, va où? Donc ça, c'est les points qui sont très importants. El-Wala ou El-Bara. Fait l'islam. L'alliance des désavoué en islam. Et il y a les doulous sur le site avec le char de Charles Fauzen. Ou plutôt son livre de Charles Fauzen qui s'appelle El-Wala ou El-Bara fait l'islam. Taïb. Summa, قال المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة وعشرون بعد المئة اعتمادهم على الخرافات qui est la 123e, 124e, 125e, 126e, 127e et 128e mas'ala qui se base sur les mythes. Il se base sur les mythes. Dans d'autres éditions du livre, ça va jusqu'à 131 mas'ala. Mon édition à moi, apparemment, elle a beaucoup de problèmes. J'ai des parties manquantes. Et d'ailleurs, dans le prochain ders, inshallah, la mas'ala 41e, 42e qui était manquante, on va les prendre en plus, on va les rajouter. Je vais prendre d'une autre édition, car elles existent, mais dans le livre que j'ai là, elles n'y sont pas. Et j'ai certaines pages qui sont effacées également. Et les titres des abwab, des chapitres ici, des masa'il, dans d'autres éditions que j'ai pu voir, ils diffèrent. Donc c'est un problème. Donc là, sachez que mon dars, c'est basé sur l'édition qui s'appelle Dar Omar ibn Khattab. C'est ça l'édition. Et je pense que c'est une édition égyptienne. Et c'est marlouf. Les éditions égyptiennes sont souvent faibles. Elles sont pas chères, à bon marché, et beaucoup, beaucoup, contiennent beaucoup d'erreurs. À l'al-asaf. Taïeb. Thumma nukmil bi hadhihi al-masa'il. Qal. Al-iyafa wa al-tark wa al-tayara wa al-kahana wa al-tahakum lil-taghut wa karahat al-tazwij bin al-idain. Il va citer un par un le sens de ces termes. Awalan qala al-iyafa dans le charh dit al-iyafa c'est un sens qui est à peu près approximatif à at-tiyara. C'est-à-dire se servir des oiseaux en guise d'annonce de bonne ou mauvaise augure. Tamam? C'est-à-dire que les gens de la Jahiliya, ils prenaient un oiseau, ils le lâchaient. S'il partait dans telle direction, c'était un bon signe. S'il partait dans telle direction, c'était un mauvais signe. S'il comptait entreprendre un voyage, par exemple, il prenait l'oiseau, si l'oiseau il partait dans telle direction, il disait, là, le voyage, il va pas être bon, on ne le fait pas. Et s'il partait dans l'autre direction, il disait, c'est un bon signe, ça. C'est un signe de bonne augure, Inch'Allah, on y va, on s'en va. La différence qu'il y a entre Al-Iyafa ou Al-Tiyara, c'est que l'Iyafa, elle est khos dans le stirmel des Touyour. C'est vraiment spécifique à l'emploi des oiseaux. Alors que Al-Tiyara, c'est plus général. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être des êtres humains. Ça peut être des animaux. Comme quand l'État a là, Al-Iyafa, c'est vraiment l'oiseau en soi, on l'utilise. Et Al-Tiyara, c'est toute chose. Par exemple, demain, les gens, ils vont voir une chose, ils vont dire, tiens, ça, c'est un mauvais signe. Par exemple, comme on dit, chez les koufars, un chat noir qui passe, ah, mauvais signe, ça va porter malheur. Hadha minhu. Passer sous une échelle. Hadha minhu. Vendredi 13. Hadha minhu. Toutes ces choses-là de superstition qu'on connaît chez les koufars, ça rentre là-dedans. Mais là-bas, c'était avec les oiseaux. Donc c'est ça. Yatimadoum ala al-khurafat qui se servent des superstitions. Donc le shir, il dit, Wallahu Azza wa Jal, amarana bil tawakkul alayhi wahda. والمدي فيما فيه مصلحة الإنسان. فإذا أشكل عليه شيء من أموره أو تردد في شيء فإنه يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بعدها أن يهديه الله للصواب، وكذلك يستشير أهل الخبرة والمعرفة. Donc Allah SWT nous a ordonné de placer notre confiance en lui seul. Et que si une chose nous pose problème dans nos affaires ou nous sommes hésitants, qu'est-ce qu'on fait? On fait salat istikhara, la salat de consultation. Et par la suite, on invoque Allah SWT qui nous guide à ce qui est correct. Et également, on consulte et on prend conseil des gens expérimentés et de connaissances. Et ça, c'est un truc dans salat istikhara que des gens souvent sont négligents. Si ils ont un projet en tête, ils font salat istikhara, quand même, et avant même d'avoir demandé conseil, ils ont déjà pris leur décision. Ou alors, ils vont demander des conseils à des gens qui ne sont pas aptes à donner conseil sur ce point-là, du moins ne sont pas les meilleurs. La décision est dans son cœur. Alors que celui qui vraiment doute, qui ne sait pas, faire istikhara sincèrement envers Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander aux personnes qui sont aptes à lui donner un bon conseil, à lui prodiguer le conseil adéquat et approprié à sa situation. C'est les causes pour que le istikhara, inshallah, elle soit effective. Et non pas chercher à obtenir ce qu'on veut au fond de soi et dire j'ai fait istikhara, j'ai demandé conseil, khalas, c'est bon. À la base, c'est pas haram. Mais on va dire si demain t'as une chose, tu dis j'ai fait istikhara, on dit mais istikhara, tu l'as mal faite. Tu l'as mal faite. Donc fais-la bien, bita anni, en invoquant Allah, tu t'en remets à lui, et tu demandes conseil aux gens appropriés. Après, il dit, At-tark, c'est le fait que, par exemple, le voyant, ou ceux qui disent la bonne aventure, fassent des lignes dans le sol. Et avec cela, ils prétendent connaître l'avenir. Ils font des lignes dans le sable, des traits dans le sable, et après prétendent lire l'avenir. Et dedans, ça rentre même la boule de cristal et tous ces machins-là. Toutes ces choses-là rentrent dedans. Quand même. Ou ceux qui utilisent des ossements, qui utilisent des choses, tout ça, ça rentre dedans. C'est un jugement égal. Prétendre connaître l'avenir avec des harakats bizarres, en utilisant des choses. Ou les lignes de la main. Comme certains y font, ils te donnent ta main, ils te donnent ta main, ils regardent tes lignes de ta main, ils disent je vais tenir l'avenir. Il va t'arriver de telle échelle, telle chose, tu es une personne comme ça, et kaza et kaza. Tout ça, c'est chez Wahid. فهذا من فعل الجاهلية. Pourquoi? لأنه ادعى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. Car il prétend connaître l'avenir, chose de l'invisible que seul Allah connaît. Et parfois le shirk dit peut que ce que cette personne t'a prédit se produise réellement. Et cela pourquoi? En vue de tentation de fitna pour la personne. Istidraj lak, kazalik. Qu'il se peut que cette personne-là t'ait dit, bah, t'avais telle chose. Demain, par exemple. Et demain, la chose, elle arrive. Est-ce qu'il l'a su? Il se peut qu'il le sait par les voies des shayatines qui ont réussi à voler l'information. Et que celle-ci te soit parvenue. C'est possible. Mais lui, en soi, il n'a aucun pouvoir. Ce qu'il fait, c'est du kufr, du shirk. Il travaille avec les shayatines pour avoir ce genre d'information. Et il se peut que cela arrive, quand même, pour que Allah t'éprouve, pour voir vraiment comment es-tu dans ta foi. Et à la base, celui qui va voir le Qur'an, d'ailleurs, mais qui le croit, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqad kafara wa manzila ala Muhammad. Celui qui va voir les Kuhan, les voyants, ou les marabouts, ou ce genre de personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui-là aura mécru à ce qui est descendu sur Muhammad. C'est-à-dire, c'est un kafir. Qui va le voir et qui le croit. Donc, il est obligatoire de s'éloigner de ces gens-là. De ne pas aller les voir. Thumma qala, at-tahakum ila at-taghut. Le fait de juger par le lot du taghut. C'est le fait de juger avec autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et autre que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de prendre les lois actuellement inventées et instaurées par les hommes ou les coutumes qui s'opposent à la charia, parce qu'il y a des choses, des fois le urf muhtabar. Quand même, il y a des choses, les coutumes doivent être prises en considération, mais c'est sur les choses dans lesquelles il n'y a pas de texte. Mais là, par exemple, demain il y a une situation entre deux personnes, il y a eu par exemple, je sais pas moi, un meurtre, et bien au lieu de faire le qissas, ils vont faire des coutumes de tribal qu'ils ont entre eux pour pouvoir faire une conciliation. Genre on égorge un bœuf, et on donne telle somme à la famille qui est autre que la somme qui est décrétée par la religion. On se réunit ensemble, on fait ceci, on fait cela. Quand même, il dit, l'affaire elle est réglée. Alors que dans l'islam, c'est pas comme ça que ça se passe. Ben donc, eux, ils font passer leur tradition sur les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou également, qu'ils font passer la science de la philosophie sur la sunna, ou la science de la logique sur la sunna. Donc, les gens de la Jahiliya, ils faisaient cela. Ils allaient juger par le Tarout. Et le Tarout, ma'khouz bin, est tourien. Un mot tourien qui veut dire amujawaza. Mujawazatul had, le fait de dépasser les limites. Et ce qui est voulu par là, c'est le fait de juger par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui est obligatoire aux musulmans, c'est de juger avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala, fa'in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Que si jamais vous vous disputez en quoi que ce soit, alors envoyez-le à Allah et au messager. Si vous êtes croyant en Allah et au jour dernier. Et dernier point, karahat at-tazwij bin al-idain. Qu'ils détestaient le fait de se marier entre les deux Eid, c'est-à-dire entre Shawwal et Zilhijja. Entre Shawwal et Zilhijja. Parce qu'à la base, les deux Eid, chez les gens de la Jahiliya, ça n'existait pas. Ils ne faisaient pas Ramadan, ils ne faisaient pas Eid al-Fitr, et ils ne faisaient pas Eid al-Adha. Ils ne faisaient pas ces Ayyad. Mais ce qu'ils voulaient par là, c'est la période qui est entre Shawwal et Zilhijja. Ils n'aimaient pas se marier. Car pour eux, c'était un signe de mauvais augure. Et ça rentre dans quoi? Dans Tiyara, comme on l'a pris au début. C'est une forme de Tiyara. Et pour eux, celui qui se marie à ce moment-là, son mariage lui apportera des problèmes. Leur mariage, il n'y aura pas de baraka dedans. La femme lui fera des problèmes. Ou l'homme fera des problèmes à la femme. Ou c'est un signe d'échec. Donc ça rentre dans le... Comme on l'a expliqué, dans Tiyara. Qui est une forme de mauvais augure. C'est un mauvais signe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré de se marier en tout moment, à part celui qui est en état de ihram pendant le hajj ou la umrah comme le dit le shir. Donc la période en laquelle tu es marié n'a aucun lien avec la réussite ou la baraka dans ton mariage. Ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te met ta baraka, quel que soit le jour où tu te maries, le mois où tu te maries, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut mettre la baraka, il la mettra. À toi de faire les causes. Donc les gens qui ont ce genre de superstition en tête, que si on se marie à tel moment ou à tel moment, tamam, ce sont des signes qui amènent à ce que ce mariage ne soit pas réussi. Ça, c'est parmi les superstitions des gens de la Jahiliya. Qala al-shir, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa la ahli wa sahbi ajma'in. Là, le shir a clôturé son charh de ce livre, car là, c'est fini. Le livre se termine là. Mais comme je vous l'ai expliqué, il reste deux masail à prendre, qui était manquant dans mon édition, qu'on va les prendre dans le prochain vers, inshallah. Et en même temps, on fera une muraja'a de la 81e mas'ala jusqu'à la dernière, pour se les rappeler. Et de là, on aura terminé le livre, qui est Fadlillahi Ta'ala. Donc, ce qu'on a pour aujourd'hui comme mas'a'il, c'est, en premier lieu, as-sad an sabilillah, qui obstrue le sortir d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Après, mawalat al-kuffar, qui s'allie au kuffar. Et à la fin, qui sont la bonne aventure, la mauvaise augure, la voyance, le jugement par autre que la loi d'Allah, et qu'il déteste se marier entre Shawwal et Zilhijja. Adam il sifatihim. Rabbi Zakod Naktafi wa Nakul Alhamdulillah Rabbil Alamin.